Salut à toutes et toutes, la tribu, c'est Spike de Morchaine 43. Bienvenue dans la Vampire Freaks numéro 10. Eh oui, déjà la 10. Figurez-vous que je les ai pas vus passer. J'espère encore pouvoir la présenter pendant de nombreuses années. Je vous ai préparé une bien belle programmation ce soir. Punk, rock, rock alternatif, hard rock, reggae, ska et même du sound system. Je suis très touché par vos messages d'encouragement toutes les semaines. Merci à vous. On commencera cette soirée avec Last Cup of Sorrow de Face No More, extrait de leur Album of the Year, le 6e album studio du groupe californien, paru en juin 1997. On y a trouvé Nate in Front of Computer, Home Sick Home et Last of Sorrow notamment. On poursuivra avec Can't Stop des Red Hot Chili Peppers sur l'album By The Way, paru en 2002. C'était le 3e single de l'album. Je diffuserai ensuite Survival de Bob Marley and the Wailers. C'est le 5e album studio, sorti en 1979, et la chanson Zimbabwe était devenue l'hymne des rebelles de la Rhodésie du Sud, qui devint le Zimbabwe à son indépendance le 18 avril 1980. On s'écoutera ensuite Inverse de décor d'Equinox, groupe parisien qui a sorti un EP en 2013. Ça ressemble à du Maiden, mais avec des textes en français et très engagés. J'espère qu'ils referont un truc, je me renseignerai et je vous le dirai. Et on finira ce bloc avec In Bloom de Nirvana en live, du live à Trinity en 1992. Do it. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. You go wake the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a beer ring. Use my hands for everything. Which way will we choose? We better hurry, oh hurry. Some people put the best outside. Some people keep the best inside. Some people can't stand up strong. Some people won't wait for long. It's a world that force. On poursuivra avec À quel tour de Big Bad Fat Moon du super album 13 sorti en 2013. Je passerai ensuite Dead Skin Mask de The Slayer tiré de leur album Seasons in Abyss sorti en 1990. Je dédicace à mon ami Laurent qui nous écoute au Puy-en-Velay. Il a beaucoup œuvré dans Merchant 43 pour les enregistrements, il nous a fait des clips et j'espère en faire d'autres avec toi mon copain. Merci à toi Lo. Je diffuserai ensuite Hexagone de Madame Guillotine. Rien à voir avec Hexagone de Renault, mais la rage est la même. Ils viennent de sortir un album qui cartonne, Article 35. Je diffuserai sûrement d'autres morceaux de cet album. On en reparlera de Madame Guillotine. Allez faire un tour sur mgguillotine.com. Vous pourrez vous procurer cet album. On s'écoutera ensuite Pavillon 36 des Berrues en live, tiré de la compile Le Carnaval des Agités, sorti en 1995. Et on finira ce bloc avec Nini Nananananou de Bad Manners, de leur premier album Scan B, paru en 1980. On y retrouvait Leap Up Fatty et Fatty Fatty, entre autres. Les défis, les frénétiques. beautiful. Et oui, la semaine dernière, c'était la rentrée. Du coup, lundi, il faut retourner au taf comme en 40. Pour s'encourager mutuellement, je diffuserai Bosser 8 heures de Trust de l'album Répression, paru en 1980. Il y avait aussi Antisocial sur cet album. Je suis mauvais jusqu'à l'os quand j'ai pas le moral. Et heureusement, j'ai ma petite fée aux mains d'or, Mel, toujours près de moi. Je t'aime, ma puce. Alors, je vous passerai Bad to the Bone de George Thorogood. C'est aussi le titre de l'album sorti en 1982. Ce titre est entre autres utilisé dans les bandes originales de Terminator 2. Je diffuserai ensuite Le Chaos de l'Histoire de l'Ordre d'Héloïse. Ils viennent de sortir un super album. Allez sur l'ordredhéloïse.com et vous pourrez vous le procurer. Excellent groupe de Cold Wave de Lille, je vous reparlerai d'eux. On s'écoutera ensuite La Saga des Shérifs, extrait de l'album Le Grand, Le Maigre, Le Petit et Le Gros, sorti en 1989. Sur cet album, on retrouvait entre autres Pendant les Hauts et Courts, Je veux savoir pourquoi, Ça sert à rien, De toutes les couleurs, et on finira ce bloc avec Vergenza de Scapé du super live incontrôlable à Paris en 2003. La raison de bosser 8 heures, mon salaire c'est le salaire de la sueur. La raison de bosser 8 heures, mon salaire c'est le salaire de la peur. Faut qu'on les yeux autour de toi, le syndicat se moque de toi. Salaire de la peur.

encore dans nos mémoires de ces quatre shérifs, juste un vrai subversif. À force de planter, ils se sont mis à cire. Il y en a ras le bol, on fait un groupe de rock'n'roll. Au bout d'années d'errance, à travers toute la France, le sol dans sa loupe, triste comme des clous, lassé de faire la loi, ils jurèrent sur la foi. Fini les vacances, maintenant on va plier des bancs. Los picadones prosiguen la matanza, acentuando un No olvidamos, Torino. Carlo vive en nuestro corazón. Carlo vive en nuestra memoria. La lucha continúa per Carlo Giuliani. Ah, si vous saviez comme j'apprécie ce moment passé avec vous, chers auditeurs, chaque semaine. On va se détendre un peu avec Sweet Jane du Velvet Underground, apparu pour la première fois en 1970 sur Loudid, le quatrième album studio du Velvet, et Lou Reed a quitté le groupe peu de temps après la diffusion. C'est lui qui l'avait composé. Et pour tous ceux qui souffrent de cette indigestion de l'âme qui est l'insomnie et qui téléchargent l'émission en podcast sur archive.org, je suis souvent comme vous. Alors 113e cigarette s'endormir d'Hubert Félix Thiéphaine en live de l'Homo Plebis Ultima et Tour, sorti en 2011. Courage à vous aussi. Tiens, on va s'écouter un deuxième live, Fier de ne rien faire, d'Avin Passe, de Never Trust Live à la Cigale en 2003. J'ai envie d'un vieux Eminem, me demandez pas pourquoi, parce que je sais pas. Du coup, je passerai de Real Slim Shady, sorti en 2000, en tant que premier single de l'album Marshall Mathers LP, le premier album d'Eminem pour finir ce bloc. Standing on the corner. Suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs Bearcat gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. Soldiers, all you protesters, you can hear Jack say, get ready. See Jack, come on, baby. See Jack, oh, see Jack. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Ça frappe la pidoche pour l'armée. partout heures de Miss Métro, patrouille au fond des souterrains. Mais il rêve d'être en hélico, à se faire du navet du Tonkin. Les faux programmes, leurs initiales, dans le brouillard des No Man's Land, et les masqueurs de scandale, prennent le goulag pour Disneyland. Les gringos sortent un vieux crooner pour le western du silence. Demain au Guggenbrückeller, je l'écris mon âme à la science. Car moi je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre mes mains. Guignol que n'est pas ce métier, je ris à m'en faire crever. Les petites filles de Mahomet mouillent aux anticoagulants depuis qu'un méchant gros minet joue au flip avec leur courant. Et Dieu change de beurre en vaseline et les prophètes jouent Dracula. Si vous reste un fond de margarine, j'en aurai toi pour ma connard. Car moi je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre mes mains. Guignol que n'est pas de ce métier, je ris à m'en faire crever. Tu traînes ta queue dans la chaudière et t'hésites à choisir ton camp. T'as des amants chatés la ville et des amours à Téhéran. Si tu veux jouer les maquisards, va jouer plus loin chez ma bléno. Tu trouveras toujours d'autres fêtards, c'est si facile d'être un héros. Retour au joint et à la bière, désertion du rayon képi. J'ai rien contre vos partenaires, rien contre vos petites sœurs ennemies. Manipulez-vous dans la haine et dépecez-vous dans la joie. Le crapaud qui gueulait, je t'aime, a fini planté sur une croix. Et moi je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre les mains. Guignol que n'est pas de ce métier. Non, moi je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre mes mains. Guignol que n'est pas de ce métier, je vis à m'en faire crever.

On s'écoutera ensuite True Face de New Order, ex Joy Division, sorti en 1987, chanson à la fois euphorique et désabusée, typique de New Order. On poursuivra avec Dispatcher de Placebo, extrait de Sleeping with Ghost, le quatrième album de Placebo, paru en 2003. On y retrouvait Protège-moi, la traduction de la chanson Protect Me, effectuée par Virginie Despentes en 13e piste. On signera ensuite le Peace Treaty de Peter Tosh, tiré de l'album Mama Africa, sorti en 1983. Un super album, mais difficile à passer à radio, et pour cause, le morceau phare, Mama Africa, fait 7 minutes 02. On a commencé ce bloc en live, alors on finira par un live avec Stepping Razor de Staples, tiré du Rastafari Centennial à l'Élysée Montmartre en 2003. Excellent live, facile à voir puisqu'il est en intégrale sur YouTube, et à partir de 2016, l'Élysée Montmartre réouvre ses portes. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. T'as cru, perdu, tout ça c'est la politique. Au troisième millénaire, la démocratie est en fer. Les identités partent uniques, nous apprend mis plus de flics. On doit être content de constater, j'immigrer, t'émigrer. Il ne nous fabrique plus de voiture, et pas il est un talent dur. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. T'as cru, perdu, tout ça c'est la politique. Merci à vous d'être venus, camarades. De la nuit, si on vous soit douce. De l'hiver, vous soit au chaud. À la fin de sa déclaration, le président de l'extrême gauche a dit qu'il fallait tenir. Si la crise faisait le pire, les infos sont renouvelées. Ça ne va pas trop déranger. De toute façon, on n'a plus rien. On a déjà bouffé tous les chiens. Tu vois, il y a pas ça, ça va. Je ne fais plus des concerts pour moi. Le public n'existe plus. J'irai pas ce qu'il est devenu. Marcher par solo, j'ai trouvé une dynamo. Je fais galant en jouant de la guitare. J'espère au moins une fois te voir. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. T'as cru, perdu, tout ça c'est la politique. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. T'as cru, perdu, tout ça c'est la politique. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. Perdu, tout ça c'est la politique. Merci à vous d'être venus. You cannot see. Here comes Rastaman. Abacadabra, catch me if you can. Says I mean, here comes Rastaman. Abacadabra, catch me, catch me, catch me. So Stevie Wonder said this at the Master Blaster. The third world son, you off a try to love ya. J'espère que vous avez passé une excellente soirée avec nous. Bon courage pour lundi. N'hésitez pas, laissez-moi des messages à mes icos, vos dates de concert, vos sorties d'albums sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Cette émission touche malheureusement à sa fin. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour une prochaine Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Excellente soirée à toutes et toute la tribu. Comme dirait Freddy Tougo, ça va d'aller. va aller, ça va aller, hey. Et puis ça passe, ça se passe bien. Tu es passé un très joli matin. Il y a de m'aider, il y a de m'aider, hey, il y a de m'aider. Quand tu te lèves, tu sens très bien que ça ne va pas bien. Et puis tu te dis, ça va aller, ça va aller, ça va aller, hey. Et puis ça passe, ça se passe bien. Tu es passé une belle après-midi. Ça va aller.